Chapitre 2. La voix qui frappe. Mesdames, messieurs, au couvert du roi. À cet appel de Lucie et de Salle, entrèrent dans la grande chambre à manger. Le chef du gobelet déposait la nef contenant le couvert royal sur la nappe damassée ouvrée de Reims, tout ornée de fleurs qui enguirlandaient la table de Henri de Navarre quand il donnait à dîner à sa cour. C'était le cas aujourd'hui. Le roi, de belle humeur, et toujours galant chevalier, ne s'assit qu'après que les dames eussent pris leur place, la prière faite par le ministre la Roche-Chandieu. Henri sourit à toutes et à chacune, à la belle madame d'Arambure, femme du capitaine des arquebusiers, à la jolie madame Favas, qui serrait de près le jeune Montgomery, à la grande Claudine de Belzunce, qui eut mieux tenu l'armure et le morion que son mari, chef de régiment, à mesdames de Vignoles, de Neuvy, de la Borie, de Clermont, de Longchamp, de la Rochefoucauld, de Croix-Saint-Ange, de l'Espine, femme d'officier de Touran, qui portait en eux les espoirs et la fortune du roi de Navarre. Il disait un mot aimable aux dames, affable mari, et fréquemment ses yeux revenaient à Françoise, dont le baiser lui brûlait encore les lèvres. En face de lui, la reine Marguerite, au sourire spirituel et souvent malicieux. De ci, de là, sans souci de l'étiquette qu'Henri bannissait de sa cour pour n'avoir trop souffert, à celle de son beau-frère le roi de France, les participants au repas. Un gris pas d'Aubigné, la mine contrite et revêche, Rony, le bonhomme avisé et pratique, qui ne portait pas encore le nom de Maximilien de Sully, le vicomte de Turenne, s'émillant favori de Margot, la Trémouille, gascon bouillant et disert, catholique ami des protestants, le baron de Batz, grand ami du roi dont il avait sauvé la vie au siège d'Auze, messieurs de Châtillon, fils de l'amiral de Coligny, de Fervaques, de Saint-Christophe, de Gourdon, de Nabaille, le chevalier Guillaume de la Varenne, au profil rusé, les deux Givry, Anne et son frère Roselin, charmant gentilhomme aussi beau que brave, sur qui bien des yeux féminins s'attachaient et que le roi appelait familièrement le capitaine Belcoeur. « Eh bien, Belcoeur, dit-il au jeune officier, tandis que le contrôleur d'office faisait servir les viandes. « Quelle nouvelle ce matin ?» À cette apostrophe amicale qui le donna en point de mire à tous les regards, Roselin rougit jusqu'aux oreilles, qu'il avait petite et finement tourlée. Lui, qui n'aurait pas bronché devant le canon, se sentait intimidé d'être là, en vedette, face à tant de jolies femmes qui épiaient ses gestes et attendaient sa réponse. Lissant sa fine moustache brune, il fit néanmoins bonne contenance et hardiment prononça. « Des nouvelles lointaines, sire. Comment l'entendez-vous, Givry ? Tout à l'heure, en venant ici, j'ai dépassé un convoi qui m'a l'air de venir de loin. On y jargonnait italien et même latin, je crois. Je l'ai vu du haut du donjon, confirma Henri. Il était à une dizaine de portées d'arquebuse. Il y a de beaux carrosses. Qui sont sûrement ceux de personnages d'importance, compléta Roselin. Ah, sire, s'écria le baron de Batz, quand donc ferons-nous comme les gens de ce convoi ? Quand parcourons-nous les grandes routes ainsi qu'au temps de la petite guerre en Armagnac et en Guyenne, la guerre des amoureux ? À l'époque où nous cachions nos armes sous nos habits de chasse, dit le Béarnais en souriant à ses exploits du passé. À l'époque où vous étiez le roi à cheval léger, ajouta gravement Rony. Et où nous prenions Cahors à grands coups de pétard, appuya Saint-Christophe d'une voix sonore comme une couleuvrine. Vous n'avez pas vu cela, bel cœur, dit Henri. Vous étiez trop jeune, il y a 5 ans. Vous en aviez 17 à peine. À boire pour le roi, cria les chansons, à qui le Béarnais tendait sa coupe. Le jurançon, versé par les aides du gobelet, tinta les verres de sa coulée de rubis, et aussitôt le repas devint plus animé. Il durait depuis 1 heure déjà. Au milieu des conversations, Henri de Navarre échangeait d'agréables paroles avec Marguerite, superficielle galanterie pour donner le change sur leur brouille sans trêve. Bientôt il se leva. À ce moment, un officier de la garde du château entra et vint dire quelques mots à l'oreille de Guillaume de la Varenne, qui alla incontinent parler au roi. Le front de celui-ci se rembrunit. Puis, secouant la tête, il s'écria de cette voix gaie qu'il savait prendre dans les plus fâcheuses circonstances. « Par ma foi, voici qui va nous donner de l'intérêt. Messieurs, devinez ce qu'on m'annonce, une ambassade de notre Saint-Père le pape Sixte Quint. » Il y eut une rumeur de surprise. « Vous ne vous étiez pas trompé, Givry, en croyant avoir entendu parler latin par ce pieux équipage. »« Le pape !» s'écria d'Aubigné, Je préfère le diable. Sire, qu'allez-vous faire ? Demanda Rony. Recevoir le légat. Je viens d'en donner l'ordre. Dehors, une fanfare éclata jouant des sonneries italiennes. La mission vaticane pénétrait dans la cour du château. Mesdames, dit gracieusement le roi, je ne vous retiens pas. Nous, messieurs, à la salle des États, tous, nous ne serons pas trop nombreux pour recevoir aussi conséquente compagnie. Debout, à trois pas en avant de ces gentilshommes, Henri de Navarre attendait dans l'immense pièce tendue de tapisserie des Flandres, représentant des scènes de chasse, qui furent commandées par François Ier pour orner le château de Madrid au bois de Boulogne. L'officier du palais parut, frappa par trois fois le parquet de sa hallebarde dorée et annonça « Son Excellence le cardinal Fioramonti, légat du Vatican ». Le prélat entra, fit quelques pas et s'arrêta sur une révérence étudiée. Il avait grande allure, l'air assuré, et drapé dans son camail rouge, il étalait une majesté imposante. Il tenait à la main un parchemin roulé d'où pendait un cachet attaché à un ruban de soie d'azur. Le légat était suivi d'une escorte de gentilshommes, d'abbés et de moines. Deux évêques vinrent encadrer du violet de leur robe la pourpre cardinalis. Fioramonti promena sur l'assistance qui lui faisait face un regard autoritaire et hautain, et d'une voix forte, il commença en excellent français, nuancé de chantantes inflexions italiennes. « À Henri de Bourbon, salut !» et requête d'avoir à m'écouter. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, représenté sur terre par sa sainteté Sixte Quint, souverain pontife de l'Église catholique, apostolique et romaine, je lance sur vous les foudres de l'excommunication. À ce mot terrible, Henri tressaillit violemment. Une pâleur subite envahit son visage. Mais il ne quittait pas des yeux le légat, immobile comme une statue. Et ses yeux avaient un éclat fulgurant, qui fit, quelques secondes, baisser les paupières du cardinal. À cette minute tragique, tous les regards se fixaient sur ces deux hommes, les deux adversaires, l'un roi protestant, l'autre porte-parole de Rome. Une angoisse étreignait tous les cœurs avec un sentiment de colère dans l'entourage de Henri, d'inquiétude dans celui du légat. Déjà, ce dernier, impassible, déroulait son parchemin et entreprenait la lecture de la bulle papale. Henri de Navarre est chassé de la communion de l'Église. Il en est chassé pour avoir osé s'attaquer à Sa Majesté catholique, le roi de France. Il en est chassé pour hérésie et crime contre l'autorité divine. Il en est chassé pour la honte de sa vie privée. Qu'il soit maudit le jour, excommunié la nuit. Maudit dans sa maison et hors de sa maison. Maudit lorsqu'il sera debout, maudit lorsqu'il s'assied. Maudit quand il mange, maudit quand il boit. Maudit dans le présent et dans l'avenir, excommunié dans les siècles futurs. Maudit sur son trône, privé à jamais de tous ses domaines et fiefs, et incapable de succéder à la couronne de France. Que tous ses vassaux et sujets reçoivent l'absolution de leur serment de fidélité à la génération bâtarde et détestable des Bourbons. Qu'il souffre dans son corps, que son âme soit vouée à Satan, qu'il soit flagellé avec les ingrats et qu'il meure avec les superbes. Que le prêtre qui le visiterait dans ses maladies ou qui lui donnerait le corps et le sang du Seigneur soit excommunié. Qu'il en soit même de ceux qui le porteront à la sépulture et qui prétendront l'ensevelir. Ayant ainsi fulminé l'anathème, le cardinal se tut. Ensuite, dans l'impressionnant silence, il s'avança vers le roi pour lui remettre la bulle pontificale. Henri le rebroussa avec hauteur. « Je n'ai que faire de ce grimoire. Gardez-le, monseigneur, et reportez-le à votre maître en disant ceci, qu'il est libre de m'excommunier, mais qu'il ne l'est pas de dicter mes actes politiques ni de régir la fidélité de mes sujets. Je suis seul chef en mon royaume. « Post Deum Rex. Après Dieu, oui, non après le pape. » Et comme Fioramonti allait répondre, « Il suffit, monseigneur, » prononça Henri d'un ton tranchant, « vous avez un jour franc pour quitter les limites du royaume de Navarre. » D'un geste souverain, il congédia le légat, qui sortit d'un pas plus rapide qu'à l'entrée, suivi avec précipitation par son escorte, tandis que les gentilshommes de la cour se regardaient consternés.